Abordons maintenant l'actualité juridique du mois. Financement d'un apport en société et qualité d'associé. Une cour d'appel avait déclaré irrecevable une action contestant la régularité de plusieurs assemblées générales d'une société, estimant que le demandeur n'avait pas la qualité d'associé, puisque l'apport en numéraire qu'il devait verser lors de la constitution de la société selon les statuts avait été réglé par un autre associé. La Cour de cassation a censuré ce jugement. Retenez que toute personne qui, au terme des statuts, a souscrit des parts et effectué l'apport correspondant à la qualité d'associé et peut exercer les droits et actions qui s'y attachent. Il importe peu de savoir les conditions dans lesquelles cet apport a été financé.